les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour le 9e des 12 épisodes de la grande enquête qu'il menait en 1964 dans Magie et vérité des sons, sur le thème de l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, Guy Hérisman avait convié à son micro le musicologue et critique Jean-Marie Grenier. Jean-Marie Grenier, un musicologue dont les connaissances ne se limitaient pas aux œuvres musicales, à leurs interprétations et à leur histoire, mais s'étendait jusqu'au domaine des moyens techniques de leur enregistrement et de leur reproduction, magnétophones et autres appareils haute fidélité. Un musicologue qui était aussi président de l'association des chasseurs de sons qui, en amateur passionné et très averti, collectionnait les enregistrements des sons, des bruits de la vie de tous les jours, dans la ville, dans la rue, les paroles de ses contemporains les plus anonymes, comme autant de témoignages de son temps. Avec Guy Hérisman, Jean-Marie Grenier débattait de ce qu'avait eu de positif et de moins positif pour la musique, la possibilité technique de l'enregistrer et de la reproduire, et vantait ce qu'il appelait le micro-stylo, c'est-à-dire la possibilité, avec les magnétophones légers et autonomes, de fabriquer au présent des documents sonores qui, avec le temps, deviennent des archives qui éclairent le passé. Magie et vérité des sons, avec Jean-Marie Grenier, 9e des 12 épisodes de la série, diffusée la première fois le 14 août 1964 sur France Culture. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Hérisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre enquête sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore et nous rendons visite à Jean-Marie Grenier. Jean-Marie Grenier, je pense qu'il n'est pas utile de vous présenter à nos auditeurs car ils vous connaissent fort bien et c'est à votre tour aujourd'hui de répondre à des questions, vous qui avez l'habitude justement d'en poser aux autres. Vous êtes bien connu comme spécialiste du disque, vous êtes collectionneur, vous êtes critique, vous parlez beaucoup de disques et j'ai l'impression que le disque est presque votre univers total. Est-ce vrai? Oui, il l'est depuis au fond très longtemps, puisque mes premiers enthousiasmes pour la musique viennent, avant d'avoir appris un instrument, viennent du disque. Et c'est peut-être un fait de notre époque qui veut que la mécanique passe avant l'intelligence de l'homme. Et vers l'âge de 7 à 8 ans, j'avais déjà un phonographe qui, à l'époque, était un phonographe curieux avec un grand pavillon en bois, vous savez, un soubassement avec un grand pavillon en bois. Et ce phonographe donnait des sons qui étaient très approximatifs. Mes premiers disques furent évidemment des enregistrements de variété. Mon père adorait l'opéra, j'ai acheté des enregistrements d'opéra, j'ai commencé à aimer le chant et la musique classique. Mais à cette époque-là, on ne trouvait pas de symphonie complète. J'allais vous poser la question, depuis quand vous occupez-vous de disques? Car quand on parle de vous dans le métier, on dit toujours, c'est un peu vulgaire comme expression, mais que vous avez été vacciné avec une aiguille de phonographe. Évidemment, là, vous allez peut-être un peu loin, car dans la réalité, ça commence, je vous l'ai dit, vers l'âge de 7 à 8 ans. Et la période alors classique, et c'est assez drôle parce que vous savez, dans la vie, on a des périodes comme ça. La période classique commence réellement vers l'âge de 9 ans. Où là, j'ai appris ce qu'était la musique classique grâce au disque, et ensuite j'ai appris le piano. Je dois dire, j'étais un très mauvais élève de piano pour des raisons particulières. J'ai une difficulté très certaine de lire rapidement une partition et de m'adapter à cette lecture rapide. Le déchiffrage est pour moi une chose épouvantable, et ça uniquement pour des raisons visuelles. Mais depuis quand vous intéressez-vous aux appareils d'enregistrement et de reproduction? Alors, les appareils d'enregistrement et de reproduction, ça, cela vient beaucoup plus tard. Car vous n'ignorez pas que le phonographe, l'électrophone, date des années, sur le plan électrique, 1930. J'avais donc 10 ans à cette époque-là. Et mais, en fait, la possibilité de reproduire les sons avec une certaine fidélité ne date que d'après cette dernière guerre. Depuis l'invention du ruban magnétique et du magnétophone. La popularisation de ce genre d'appareil ne s'est faite que vers les années 1950, avec des appareils d'ailleurs très imparfaits, qui ont permis à la grande masse des mélomanes et même à 90% des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la musique de reproduire n'importe quel son. C'est le magnétophone. Mais là, je vous arrête, car vous venez de dire que la fidélité, enfin tout au moins une certaine fidélité convenable, acceptable, date d'après-guerre, des années 50, avec la bande magnétique et le micro-sillon. Mais vous êtes-vous passionné pour le disque et pour l'enregistrement depuis longtemps? Je suppose donc que vous tiriez des satisfactions d'une certaine fidélité qui n'était pas parfaite. Ah mais... oui, ça a commencé extrêmement tôt avec les premiers phonographes qui étaient d'une sensibilité très relative et que j'arrivais à corriger, à améliorer, car ça a toujours été mon grand désir d'améliorer les appareils que je possédais, tout en les détraquant la plupart du temps, comme d'ailleurs tous les gens, vous savez, qui tripotent un peu la mécanique, qui tripotent un peu la technique d'une manière générale, nous arrivons toujours quelquefois à des résultats plus mauvais que ceux qui avaient été introduits à l'origine dans l'appareil. Mais ceci posé, il est bien évident que dès que le phonographe s'est développé et est devenu électrique, et là, j'ai eu un véritable plaisir lorsque j'ai pu, pour la première fois, entendre des appareils qui étaient d'ailleurs surnommés de noms de grands compositeurs. C'est une firme très importante que je ne citerai pas. Et qui avait comme label de qualité de la musique avant toute chose. Label que j'ai d'ailleurs repris récemment. Et de la musique avant toute chose, et à cette époque-là, vous savez, cette grande firme avait une sorte de comité. Et en tête de ce comité, on y trouvait des noms très connus comme Villermoz et des critiques musicaux de l'époque qui jugeaient de la qualité des électrophones qui leur étaient présentés et qui, dans une certaine mesure, essayaient de corriger ce que la technique elle n'avait pas. Il donnait des conseils aux ingénieurs afin que tel ou tel appareil sonne un peu différemment, donne des résultats meilleurs avec les disques 78 tours de l'époque. Et c'est un de mes très grands souvenirs. Et pour la première partie de mon bachot, on m'a offert un électrophone de cette série-là. Eh bien, mon second bachot a été peut-être un peu moins brillant à cause de cela. Car j'ai passé mon année beaucoup plus à écouter, ça coïncidait d'ailleurs avec la mort de Maurice Ravel, ce qui avait créé en moi une sorte de réelle mélancolie, car j'avais connu. J'ai passé mon année beaucoup plus à écouter des disques qu'à travailler mon bachot de philosophie. Je l'ai passé, mais de justesse. Et pour en revenir au principe et au problème de la fidélité, il faut quand même admettre qu'il y a eu une évolution très sensible depuis donc les années 30. Déjà en 36, juste avant la guerre, la fidélité était beaucoup plus convenable, beaucoup plus acceptable. Et puis ensuite, la bande magnétique et le micro-sillon. Mais il faut aussi en conclure que notre oreille a subi une évolution. Elle était beaucoup moins l'oreille, difficile. L'oreille a évolué. C'est-à-dire que dans les premiers temps, la fidélité était très approximative puisque les périodes, il faut toujours parler de ce fameux spectre sonore qui était extrêmement tronqué par rapport à la réalité. Et notre oreille rétablissait automatiquement ce qu'elle n'entendait pas. Ceci était normal et ne nous gênait pas du tout. Mais je crois qu'il y a un autre facteur, Guy Rismann, qu'il ne faut pas non plus méconnaître. C'est celui de l'adaptation des appareils reproducteurs au support qui leur était donné. Et si à l'heure actuelle, on met sur un plateau d'un tourne-disque muni, par exemple, d'un pick-up très fidèle pour pour les reproductions actuelles, pour les disques actuels, un enregistrement 78 tours de ces années-là, on se rend compte que ces enregistrements étaient très défectueux. Mais dans la réalité, c'était tout autre. Car si nous ressortons, à l'heure actuelle, un électrophone de ces années-là, un reproducteur de bonne qualité, qui était considéré à cette époque-là comme le nec plus ultra, eh bien, nous nous rendons compte que la reproduction n'était pas si mauvaise que cela. C'est, je crois, la désadaptation entre la manière dont l'enregistrement était réalisé à l'époque et le support sur lequel cet enregistrement était réalisé, le disque 78 tours, avec sa surface un peu grattante, et le fait que nous le reproduisions sur des appareils qui ne sont pas faits pour cette reproduction, qui à ce moment-là accuse considérablement le vieillissement de l'enregistrement par lui-même, et qui font que nous nous rendons compte des progrès réalisés. Mais dans la réalité, si nous reprenons matériel et objet, c'est-à-dire matériel et disque de l'époque, nous nous rendons compte qu'à cette époque-là, eh bien, notre oreille n'était pas si faussée parce qu'elle entendait. J'ai la chance d'avoir devant moi un artiste qui est aussi un technicien. Et je vais lui poser une question embarrassante, car il faut quand même tirer des conclusions. La fidélité, je ne dis même pas la haute fidélité parce que ça ne veut rien dire, la fidélité tout court, et c'est bien suffisant, appelons-la aussi la vérité dans l'enregistrement. Est-ce que ça existe ? Je crois que vous avez touché le mot sensible de toute l'entreprise. Fidélité ne veut rien dire si vérité n'existe pas. C'est-à-dire, si on n'atteint pas une certaine vérité, ben la fidélité, ça n'a aucun sens pour la plupart des commerçants qui s'occupent d'électronique et d'électrophones et de reproducteurs. Je dois vous dire que je ne veux pas attaquer une corporation qui a fait d'immenses efforts pour mettre au point des appareils le plus fidèle possible, pour nous offrir des joies que nous n'avions pas, certes, il y a encore quelques années, car ces joies étaient proportionnelles à ce que nous entendions. Il est bien évident, je vous disais tout à l'heure, que tout est relatif, et que si nous réentendons un disque de 1936 sur un appareil de 1936, le résultat n'est pas si mauvais que cela. Mais il est évident que des pas de géant ont été accomplis. Or, la plupart du temps, nous avons affaire à des ingénieurs qui coupent les cheveux en quatre, qui font de merveilleuses équations, qui réalisent ce qu'ils appellent, eux, la fidélité, qui est une fidélité technique, qui n'a rien à voir avec la vérité du concert. Et c'est là où, évidemment, il y a un divorce entre une terminologie abusive et une réalité que seul le mélomane peut concevoir. Je ne suis pas contre une fabrication qui s'établit sur des critères techniques extrêmement poussés de manière à donner une qualité approchant de l'idéal, mais d'une manière générale, la réalité d'un son et son élaboration technique, ce sont deux choses, mais totalement différentes. Ne croyez-vous pas qu'il serait sage de parler de vérité suggestive, c'est-à-dire d'une certaine transposition de la vérité? Il est bien évident qu'aucun d'entre nous n'entend de la même manière. N'entend, ne perçoit, je préférerais le terme percevoir qu'entendre, parce que il est bien certain qu'au stade de l'oreille, l'audition est à peu près similaire. Mais c'est l'intelligence qui entend, c'est autre chose. Et c'est cette transposition qui est évidemment un fait extrêmement important dans tout ce qui est auditif, beaucoup plus que visuel, car tout le monde s'accordera devant une teinte, par exemple, du rouge, mais c'est du rouge. Du bleu, c'est du bleu. On n'a jamais discuté, à moins d'être daltonien, de la vérité d'une couleur. Mais la vérité d'un son, c'est très subjectif. Et c'est d'autant plus subjectif que cela vient dans un contexte sonore, lorsque je veux parler de la musique, qui est extrêmement complexe. Si nous parlons du timbre d'un instrument particulier de l'orchestre, ce timbre peut varier à l'infini selon l'interprète et selon l'orchestre, selon le facteur même de l'instrument. Je crois d'ailleurs qu'il faut dissocier, quand on parle de vérité, la musique et ce qui n'est pas la musique. J'en suis bien certain, et c'est la raison pour laquelle la plupart des compositeurs ont une manière très particulière d'entendre. Je crois qu'ils entendent mieux et plus mal que nous. Mieux parce qu'ils sont, eux, la musique personnifiée, et ce sont les notes, ce sont les accords, ce sont les agrégats sonores qui les intéressent avant tout. C'est aussi la nuance et c'est aussi le rythme. Tandis que le profane, le mélomane, ou même le mélomane qui a tâté d'un instrument, qui a une certaine culture musicale, écoute la musique sans idée préconçue. La reproduction va le toucher à un plus grand degré, à mon avis, que le compositeur. Nombre de compositeurs écoutent sur des appareils qui sont proprement défectueux, qui sont de très mauvaise qualité. Cela ne les gêne en rien. À partir du moment où le contexte musical leur est offert avec une intégrité approximative, ils reconstituent dans leur esprit, ils font ce que nous faisions en 1936, c'est-à-dire qu'ils ajoutent ce qu'il n'y a pas, ils retirent ce qu'il y a en trou. Cela ne les gêne en rien, car dans leur esprit, dans leur cerveau, la partition va se reconstituer intégralement. C'est-à-dire que leur esprit et leur sensibilité font eux-mêmes une sélection. Mais habitués à ce qu'ils sont d'entendre eux-mêmes ce qu'ils écrivent, le médium du disque ou de la bande magnétique ou de la radio devient pour eux une sorte de facilité d'expression sonore dont la qualité est au fond une seconde nature pour laquelle ils ne réclament absolument pas la vérité ni la fidélité. Je ne vous demanderai pas, Jean-Marie Grenier, si vous êtes pour ou contre l'enregistrement sonore. Ça serait trop cruel de vous demander d'être sincère. Non, Guy Rissman, je dois vous dire une chose, je suis pour et contre à la fois. Je suis pour parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, bien qu'on ait dit le contraire, le message musical à travers le monde a fait des progrès tels qu'il est indiscutable que l'enregistrement sonore est à la base d'une nouvelle conception musicale, d'une nouvelle école musicale et d'une nouvelle propagande musicale qui n'aurait jamais existé sans ce support. La salle de concert contient 1000 personnes, la radio peut faire écouter la même chose à des millions de personnes. Donc il serait injuste de dire que l'enregistrement sonore, que la reproduction sonore ne sont pas, à l'heure actuelle, une panacée universelle. Je vous suis parfaitement quand vous parlez de la propagande possible par le disque et par l'enregistrement en général, mais quand vous parlez d'école, je voudrais que vous précisiez. Eh bien, oui, c'est une école extrêmement platonique, d'ailleurs. C'est une école dans laquelle personne, au fond, n'apprend rien. Et c'est peut-être là le pivot sur lequel nous allons tourner pour plaider contre l'enregistrement sonore. Car si la musique s'est répandue à travers le monde grâce à ce moyen de reproduction totalement inconnu au début du siècle, enfin balbutiant au début du siècle, si la musique se répand à travers les campagnes du monde et pour offrir à quiconque son message, il est bien évident que cela fait des mélomanes, cela ne crée pas une sorte d'émulation telle que pouvait le faire le piano de famille, dans des cas très rares, mais tout de même beaucoup plus répandu qu'à notre époque, et l'individu ne devient plus participant. Et je vais vous faire une comparaison qui, à mon avis, est très juste. Il y a beaucoup plus de sportifs à travers le monde qu'il y en avait en 1900. Ceci est dû au fait que le sport s'est répandu d'une manière absolument foudroyante et que les différents jeux se sont mis au point durant ce début de siècle d'une manière formelle, créant une sorte de jeu, beaucoup plus d'ailleurs que de sport. Or, cela n'a pas augmenté le nombre de sportifs à travers le monde, car tout cela est très passif. Se dit sportif l'individu qui, le dimanche, se rend au stade ou s'installe dans un fauteuil devant sa télévision pour assister à un match de football. Se dit musicien l'individu qui se cale dans son fauteuil pour écouter son électrophone. Nous sommes exactement au même point. Mais dire que tout cela est mauvais, je ne le crois pas. Je crois simplement que l'individu devient de plus en plus passif devant la machine et que plus cela ira et plus cela sera ainsi. Ceci nous vaut d'ailleurs une éclosion de solistes, d'interprètes internationaux qui ont une audience gigantesque et qui tout de même, dans une certaine mesure, permettent à ceux qui font ce métier de musicien d'avoir l'espoir un jour d'avoir cette même audience. C'est, à mon avis, tout de même, bien que 99% des auditeurs soient passifs, une école pour une minorité qui, elle, devient, à mon avis, et ça je le défendrai toujours, très supérieure à ses prédécesseurs. Mais voyez-vous, il y a bien sûr, par le disque, des facilités de vulgarisation de la musique, mais bien souvent, cette vulgarisation aboutit à un véritable galvaudage. Et par ailleurs, s'il est vrai que le disque facilite l'accès et l'audience internationale de certains artistes, c'est-à-dire, en somme, qu'il facilite le culte de la vedette. Par contre, et ça, cette remarque, c'est Henri Barrault qui me l'a faite il y a quelques jours, le disque a tué ce qu'il appelait le prolétariat de la musique. Oui. Ça, c'est un aspect tout à fait différent, et peut-être est-il inutile de s'étendre aujourd'hui. Et peut-être avez-vous quelque chose à ajouter. Si, moi j'ai quelque chose à ajouter. Car ce prolétariat de la musique, on peut le reconstruire. Et ceci, grâce, justement, et c'est la seconde face de notre problème, grâce à l'enregistrement à domicile. Car il existe encore en puissance des gens qui font du piano pour s'amuser, qui jouent du violon pour s'amuser, qui jouent de la clarinette, qui jouent du hautbois, qui jouent du basson, qui peuvent former un quatuor, qui peuvent former un quintet, qui peuvent même s'enregistrer eux-mêmes s'ils jouent mal une sonate de Beethoven, mais s'améliorer. Il existe en puissance ces gens-là. Nous les connaissons moins parce qu'ils n'existent plus pratiquement dans les petites villes de France de sociétés musicales qui fassent entendre les petits ensembles du cru. Ces sociétés musicales, pour la plupart du temps, font venir des interprètes plus ou moins renommés qui ont leur prix du conservatoire et qui viennent donner une soirée de musique. D'ailleurs, ces sociétés musicales sont de moins en moins puissantes et de moins en moins nombreuses. Mais avant, elles faisaient entendre les amis qui composaient des petits ensembles ou la jeune pianiste qui avait appris sa valse de Chopin et sa ballade et éventuellement une rhapsodie de Liszt. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ou presque. Mais je crois qu'il existe en puissance dans ces mêmes villes des gens qui n'osent pas se présenter en public, mais qui, grâce à l'enregistrement, grâce à la bande magnétique et au magnétophone, s'amusent à s'enregistrer. Et j'en veux pour preuve que parmi mes relations et parmi les gens qui composent la FCS, qui est un mouvement que vous connaissez bien et qui s'intitule Association française des chasseurs de sons, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup, qui sont des interprètes inconnus, méconnus, et qui justement ne veulent pas se montrer en public, mais qui envoient un enregistrement à droite, à gauche, de ce qu'ils ont fait. Vous abordez là le problème de l'enregistrement d'amateurs, qui constituera la seconde partie de notre entretien. Mais auparavant, je voudrais que nous fassions un peu de musique, et puisque nous avons parlé de fidélité, de vérité, des grandes réalisations du disque, je voudrais que vous m'en citiez une et que nous entendions ensemble et que nous la proposions à nos auditeurs comme un modèle de ce que la technique a pu faire de nos jours. Oui, je crois que nous pourrions faire une intéressante comparaison en utilisant un disque de 1936 et en le comparant à une version récente. Comme par exemple un extrait d'un enregistrement qui fut célèbre à l'époque et qui fut une révélation car on connaissait à cette époque-là très mal l'œuvre, le Sacre du Printemps, dont nous pourrions entendre la danse sacrale, qui est le final de ce Sacre du Printemps, et qui est dirigé par Stravinsky lui-même. Et puis la version toute récente, qui date d'il y a environ 3 ans, à la tête du Columbia Symphony Orchestra, et qui fait partie de l'intégrale de l'œuvre de Stravinsky, dirigée par lui-même. Nous allons donc commencer par la version de 1936. Encore cette même danse sacrale, dirigée par le compositeur Igor Stravinsky, mais dans une version récente. Thank you. Venons donc d'entendre la danse sacrale du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, dirigée par le compositeur. Et bien maintenant, Jean-Marie Grenier, comme nous l'avons annoncé, nous en venons à la seconde partie de notre entretien. Vous êtes collectionneur, vous êtes discophile, vous êtes critique, mais vous êtes aussi le président de l'Association française des chasseurs de sons. Donc, vous enregistrez vous-même et je suis chez vous. Je suis assez impressionné par cette multitude d'appareils qui m'entourent. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, cela devient une véritable passion, débordante d'ailleurs, car la place va manquer très bientôt. Et j'ai collectionné un certain nombre de magnétophones, parce que vous savez, ces appareils, comme tous les appareils d'ailleurs, ont toujours des petits défauts. Chacun a son défaut propre, et c'est très amusant de les déceler quand on le peut, et de les corriger à l'aide d'autres appareils qui en ont moins. Enfin, je m'entends, il faut pour faire de très bons montages et pour réaliser aussi des prises de son correctes, il faut des appareils assez nombreux malheureusement. Ce n'est pas à la portée de tous les chasseurs de son. Précisément, dans votre association et chez tous ceux, dans le public qui se livre à l'enregistrement d'amateurs, quel est le niveau moyen du matériel qui est à leur disposition ? Eh bien, écoutez, c'est un niveau qui est généralement très très moyen, mais comme il s'agit d'enthousiastes, ils réussissent sur des matériels qu'il faut dire très ordinaires et généralement bon marché, à faire des tours de force. Je suis étonné des bandes que l'on nous envoie à l'Association française des chasseurs de sons à la suite de concours ou pour le CIMES, ou pour d'autres manifestations de cet ordre, les gens sur des magnétophones qui sont en général faits pour dicter réussissent quelquefois à enregistrer fort bien de la musique. Mais je suppose que l'on trouve maintenant un matériel relativement abordable et d'une qualité honorable. Oui, cela a fait beaucoup de progrès, comme d'ailleurs la reproduction sonore en général. On arrive à des prix variant entre, mettons, 600 francs et 1000 francs, à trouver du matériel qui, il y a quelques années, était considéré comme très mauvais et qui, maintenant, est d'une classe presque semi-professionnelle. Mais vous-même, vous vous livrez à l'enregistrement. Oui, lors de vos vacances, de vos voyages. J'aime beaucoup transporter un petit magnétophone portatif sur pile à cul ou bien sur secteur, puisque son usage est multiple. Et j'aime faire moi-même des interviews, des prises de son, de bruit, de n'importe quoi. Par exemple, ma passion cet été, lorsque j'ai passé quelques jours en Provence, a été de prendre les cigales. Car vous savez, en se promenant à travers la Provence, on décèle mal les différents bruits que peuvent faire les cigales. Et il y a peut-être une question de race, je ne sais pas, ça, sur ce plan-là, je ne suis totalement incapable de l'expliquer. Mais par exemple, si vous allez du côté de Salon, eh bien, le bruit des cigales dans la campagne n'est pas du tout le même que du côté de Toulon ou de Bandol. C'est curieux, mais c'est ainsi. Est-ce la sonorité même de la campagne, car vous savez, la sonorité externe joue énormément lorsqu'une région est boisée, ou lorsqu'il y a des falaises, ou lorsqu'il y a simplement une race campagne, la sonorité n'est pas la même. Mais j'ai pu comparer, ça a l'air un peu simpliste et peut-être même enfantin, j'ai pu comparer le bruit de différents types de cigales ou de différents types d'enregistrements de cigales, et ça n'a pas du tout le même bruit. Nous allons approfondir le problème, car je sais que vous êtes fait une spécialité du montage sonorisé. Oui, alors là, nous abordons un tout autre problème qui intéresse évidemment autant les chasseurs de sons que les photographes. C'est à la suite d'un voyage aux États-Unis où j'avais rapporté pas mal de photographies, où vraiment je ne savais pas quoi en faire. Et puis, j'avais été chez des amis très souvent voir de ces soirées où on vous présente les photos des vacances comme ça en vrac et quelquefois pas classées du tout. Et on en ressort un peu exténué à la fin, car les gens s'imaginent que tout ce qu'ils ont pris intéresse les amis et vous présentent cela avec une sorte de désinvolture qui quelquefois rejoint l'ennui. Aussi, et je pensais qu'on pouvait peut-être faire quelque chose sur les États-Unis. Vous savez, c'est comme le type qui revient d'un pays qui est encore assez peu connu ou qui est trop lointain pour que les gens le connaissent et qui s'imagine avoir tout découvert, qui crée un gros bouquin sur ce pays sans au fond avoir bien approfondi tous les problèmes. C'est un peu ce qui m'est arrivé. J'avais 2000 clichés, ce qui est assez considérable sur les États-Unis. Je les ai mis bout à bout pour raconter une histoire qui est celle de mon voyage. Et puis, comme c'était pas très éloquent tout cela, j'ai fait une petite mise en scène, un petit scénario. J'ai mis là-dessous un texte qui expliquait ce voyage avec un accompagnement musical, dosé. Tout cela était très facile à réaliser parce que j'avais pris aux États-Unis du son sur place et qu'ensuite, j'avais aussi énormément d'enregistrements stéréophoniques, je précise car je travaille toujours en stéréophonie, folklorique, de chœur et de jazz qui n'existe pas en France. J'ai vu ce spectacle sur les États-Unis, je l'avais trouvé fort remarquable, mais je sais que depuis vous avez perfectionné votre formule sur le plan technique, mais également sur le plan artistique. Oui, et c'est-à-dire que la formule États-Unis, c'est tout simplement de la formule touristique, n'est-ce pas ? C'est purement et simplement un voyage raconté. Je crois que ça ne peut pas aller très très loin, ça. La plupart des courts-métrages que l'on voit devant les films et qui sont dans ce sens ne vont pas très loin, sont très nombreux et généralement d'une qualité médiocre. Pour aller plus loin, il faut aborder des sujets dramatiques ou comiques, enfin, dramatiques dans le sens général du terme. Et pour cela, il faut amener dans un montage sonorisé qui comprend des photos, de la musique et du texte, il faut amener une certaine intrigue, une histoire, raconter quelque chose. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai fait Florence et les villes ennemies, j'y ai introduit l'histoire passionnante et presque totalement inconnue de Savonarole. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé tout dernièrement de mettre un opéra entièrement en photo, c'est Don Juan de Mozart. Et nous pourrions d'ailleurs, afin d'illustrer ce montage, qui est peut-être l'un des plus complexes que j'ai réalisé, l'un des plus discutés aussi, mais personnellement, celui qui m'a le passionné le plus, nous pourrions entendre justement une séquence de la manière dont le Don Juan de Mozart est donné en 45 minutes, avec des photographies et bien des critiques musicaux ont vu ce montage et n'ont pas crié qu'il était scandaleux de couper la partition de Mozart. D'ailleurs, avant de vous faire entendre cette séquence, qui va être entrecoupée de textes, forcément, puisque je suis obligé d'expliquer l'action, il faudrait tout de même que l'on dise à nos auditeurs que les photographies ne sont pas des photographies qui auraient pu être prises dans une représentation. C'est pas du tout ça. J'ai pas voulu du tout prendre des personnages qui fixent sur l'écran, puisqu'il s'agit de diapositives, auraient été parfaitement ridicules pendant que les véritables interprètes chantaient. Non, il s'agit d'une illustration symbolique des différentes scènes de Mozart. J'en donne un exemple, par exemple, l'air de Leporello, et où il compte les mille et une maîtresses de Don Juan, est représenté par toutes les fenêtres d'Aix-en-Provence, puisque c'est un Don Juan qui se passe à Aix-en-Provence. Donc chaque scène a une illustration photographique qui est symbolique. Mais écoutons un extrait justement de ce Don Juan. Mais nous voici dans le théâtre de Cassandre, sous le ciel de Provence. Écoutons Mozart et son Don Juan. Déjà, sur le rideau de lointain de Cassandre, on se plaît à arriver à la Sainte-Victoire, toute proche d'Aix-en-Provence. Ce paysage aux lumières changeantes et subtiles inspira Cézanne. N'est-il pas symbolique pour un Don Juan, terre contrastée, blanche et rouge, dénudée à l'image de son cœur, ardente à l'image de son désir? Mais revenons au drame, à Mozart, à son librettiste italien Da Ponte. Ce drame va se nouer dès le début de l'opéra. Nous sommes dans la cour de l'hôtel du commandeur, décor que va prolonger la réalité des merveilleux hôtels d'Aix-en-Provence. Don Juan, ainsi que l'a vu Cassandre, personnage léger et libertin du 18e. Il a tenté de violenter Donna Anna, fille du commandeur. Celui-ci provoque Don Juan en duel. Don Juan hésite, mais l'épée est tirée. Don Juan a tué le commandeur sans que son identité ait été découverte, car tout se passait dans la nuit. Est-il bien responsable de ce crime? Mais voici le jour et nous sommes dans la rue de la ville. Donna Elvire, femme de Don Juan, éternelle pleureuse, vient conter ses dernières mésaventures. Notre héros s'esquive pour éviter l'importune. Sur son ordre, son valet Leporello va tenter de calmer Elvire. La belle consolation qu'il lui offre. Le récit des exploits amoureux de Don Juan. 630 maîtresses en Italie, 231 en Allemagne, 60 en Turquie, 100 en France, 1003 en Espagne. Maramina, il catalogo è questo, delle belle che amò il patron mio, un canto all'orgoglio che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Giorgia, la Vantuna, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003 San per questa contadina, camarir cittadina, San contessa baronessa, Marchesone principessa, e ben donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, in Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003, fa questa contadina, camarire cittadine, ma quante se valoresse mal che sane, perché te sapeva, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, grâce à Loporello, Donna Elvire pourra toujours se dire qu'elle n'est, au fond, ni la première ni la dernière. Après les fenêtres d'Aix-en-Provence, derrière lesquelles j'ai imaginé les maîtresses de Don Juan, je vous en propose les fontaines, comme décor à la noce joyeuse de Zerline et de Mazzetto. Leggeri di testa, non andate girando quella e qua e là e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Ah, ah, ah, ah, che piacere che sarà. Vieni, vieni carina, godiamo e cantiamo, balliamo, sogniamo. Vieni, vieni carina, godiamo, che piacere che sarà. Che piacere che sarà. Manca male è partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia fe mi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh brava gente. Bien entendu, Don Juan est pris d'un violent désir pour Zerline. Écartant son fiancé, il lui chante son amour avec tous les accents de la sincérité et de la passion. Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici, il vostro nome. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiamo mio da qui. Vorrei che non vorrei, mi tremo un po' qui il cuore. Bien entendu, je le rappelle, cette audition de Don Juan avec des commentaires est accompagnée de diapositives illustrant symboliquement l'action de l'opéra de Mozart. C'est là une tentative tout à fait nouvelle dans ce domaine. Mais je voudrais, Jean-Marie Grenier, que nous parlions un peu plus avant de ce problème de l'illustration musicale du film et des diapositives, car vous avez mené à un très haut degré de perfection et d'efficacité cette manière, ce procédé. Mais je voudrais savoir justement de quelle façon vous travaillez, car vous avez donné un rôle extrêmement actif à la musique, actif au point de donner du mouvement à une image fixe. Je crois, dans une certaine mesure, à l'efficacité indiscutable de la musique. D'autant plus que je travaille avec des images fixes. Voyez-vous, s'il est beaucoup plus facile d'illustrer musicalement un mouvement, mais je trouve que d'une manière générale, on néglige dans toutes les manifestations publiques, que ce soit le film, que ce soit le théâtre, que ce soit la télévision, on néglige complètement le côté sonore, illustration sonore de la chose. N'importe quoi va, le son, musique est considéré comme un parent pauvre, et il arrive très fréquemment, par exemple, je ne citerai pas, mais à la télévision, je bondis lorsque j'entends la visite d'une usine nucléaire illustrée par du Vivaldi. Je trouve que c'est un non-sens, que le mouvement même de cette visite ne correspond pas au rythme des mouvements vifs de Vivaldi, que c'est un anachronisme formel et que réellement, je ne vois pas très bien le rapport qu'il y a entre Vivaldi et une usine nucléaire. Cela peut être du grand art, je ne le sais pas, je ne le crois pas. Or, cette utilisation à l'étranger des matériaux musicaux pour les images fixes ou les images en mouvement est beaucoup plus soignée qu'en France. J'ai eu l'occasion de voir des productions étrangères, telles que des productions de la télévision anglaise, et de me rendre compte que les illustrateurs prennent le plus grand soin pour adapter le contexte visuel au contexte musical, sachant très bien que même si l'auditeur ne percevait pas d'une manière absolue cette musique de fond, qui est une musique d'ambiance, elle était d'une importance capitale pour illustrer l'esprit de l'image. Je ne dirais pas qu'en France, nous n'avons pas d'excellents illustrateurs. Ils existent, ils sont nombreux, mais ils travaillent quelquefois et trop souvent très vite. Est-ce que vous pensez à la vertu, une vertu supplémentaire apportée par la stéréophonie dans ce domaine? Ah, là, vous touchez un point qui m'est extrêmement sensible, car s'il y a beaucoup à l'heure actuelle d'amateurs qui font des montages sonorisés d'excellente qualité et dans un esprit quelquefois très neuf et d'avant-garde, eh bien, je dois dire qu'aucun ne travaille en stéréophonie, ce qui ajoute à l'image fixe une dimension absolument nouvelle. Voyez-vous, l'image fixe a besoin d'un cadre qui l'enveloppe. Elle est, par elle-même, négative. Elle est positive dans le sens qu'elle vous restitue les couleurs, les lignes, avec une perfection que le film n'atteint pas. Elle est négative parce qu'elle fixe les mouvements et que, par elle-même, elle est morte. Il faut donc lui donner vie. Déjà, le passage des images non plus en automatisme avec des noirs, comme dans la plupart des lanternes de projection à l'heure actuelle, mais en fondu enchaîné avec deux lanternes ou des lanternes doubles comme il en existe à l'heure actuelle, déjà, le mouvement peut se créer car, grâce au fondu enchaîné, on peut obtenir des images non pas en mouvement, je ne veux pas dire cela, mais une troisième image qui se surimpressionne et qui donne l'illusion de ce qui s'appelle du travelling. En matière de cinéma, déjà l'image est moins fixe. Mais si vous lui ajoutez une ambiance sonore qui la met en mouvement, eh bien cette image n'est plus morte, elle n'est plus inerte. Et sur ce sujet-là, j'ai eu justement une longue discussion avec notre ami Ishak, qui, comme moi, fait partie des jurys de certains festivals de montage sonorisé de diapositives avec de la musique, et il n'est pas du tout de mon avis. Il défend le principe qu'une image fixe reste fixe, quel que soit le contexte musical qui l'accompagne. Et lorsque dans certaines séquences, par exemple dans Florence, je montre une petite séquence touristique dans laquelle il y a un canot automobile et je l'ai sonorisé avec le bruit de ce canot automobile, mais évidemment il est fixe. Eh bien cette séquence l'a infiniment gêné à la projection et il m'a dit « c'est une erreur profonde, il faut couper ça ». Ce canot automobile qui est sur une image diapo fixe pendant, mettons, 4 secondes, et vous lui donnez l'impression de mouvement avec du bruit, ça, je marche pas du tout, c'est pas vrai. Eh bien, pour lui, voilà la réalité. Mais pour 80% des spectateurs qui ont assisté à cette représentation, eh bien, justement, le bruit qui était donné offrait la possibilité à l'imagination de créer le mouvement d'une image fixe. Je crois qu'il est possible, si l'image fixe est bien prise, et avec, par exemple, un certain flou pour montrer le mouvement, je crois qu'on peut très bien ajouter un bruit en mouvement qui lui restitue ce qu'elle n'a pas. Pour nous résumer, je ne vais pas vous demander d'établir une comparaison ou une hiérarchie entre la projection de diapositives très perfectionnée telle que vous la pratiquez et le cinéma, je vais vous demander d'en déterminer les vertus respectives. Et c'est très différent, voyez-vous. C'est très différent car le cinéma, c'est le mouvement. C'est le mouvement, la puissance. 100 000, 1 million, c'est le mouvement et dans toute l'acception du terme. Et c'est la raison pour laquelle l'esthétique même du cinéma reposant sur le mouvement, je trouve absurde des films qui sont sortis, particulièrement c'est un film de la Nouvelle Vague, où tout repose sur le statisme. À ce moment-là, le théâtre est beaucoup plus efficace. Tandis que l'image fixe, c'est la fixation d'un instant qui peut être merveilleux. Et justement, ce que ne vous apporte pas le cinéma pour certains sujets, l'image fixe vous l'apporte. Alors qu'il est parfaitement stupide de vouloir donner toute la qualité d'un tableau ou d'un monument avec des travelling savants qui ne font que fausser les perspectives. Il est beaucoup plus intéressant de le photographier avec, par exemple, des téléobjectifs ou avec des objectifs de diverses focales pour en donner des détails et pour fixer dans l'esprit du spectateur les lignes essentiels de ce monument qu'il verra véritablement, alors qu'au cinéma je le défie de voir quoi que ce soit. Par contre, aborder le carnaval de Rio ou le carnaval de Cuba, et alors là il faut le cinéma car tout est mouvement. Et si la photo fixe vue dans un album ou vue sur un mur en noir et blanc peut rendre ce mouvement à l'aide de flou, l'image en couleur admet beaucoup moins le flou car vous avez besoin d'une précision dans l'image et à ce moment-là le mouvement est tellement figé qu'il n'existe plus. Précisément, vous me faites penser à un autre aspect du problème, c'est l'édition du disque accompagnée d'un reportage photographique. Oui, alors justement, dans cette voie-là, et c'est une chose à laquelle j'avais pensé très longtemps, il y a un certain pic que vous connaissez bien et qui a fait un effort considérable, puisqu'au Chant du Monde, il est paru deux albums, qui à mon avis sont la synthèse de la photographie, pris sur le vif, et du son, pris sur le vif. C'est exactement un montage sonorisé en album. Et tout à l'heure, je défendais le fait qu'il fallait prendre, par exemple, un carnaval en photo fixe, mais là, ça se conçoit très bien, car ce sont des photographies dans un album qui exprime le mouvement merveilleusement car le photographe est un artiste, et en même temps, vous avez la possibilité d'entendre la musique. C'est une formule un peu simplifiée, n'est-ce pas, simpliste en soi, mais qui est, à mon avis, appelée à un très grand avenir. On a voulu faire des albums sur les sons et lumières qui se donnaient dans les différents châteaux de France. Ça, je ne crois pas que ce soit très efficace, parce que finalement, il n'y a pas de personnages qui sont en cause, étant donné que les sons et lumières sont basés sur des éclairages. Mais l'album qui vous montre le mouvement d'un carnaval et qui vous fait entendre la musique. D'ailleurs, il faut en entendre un extrait car tout cela est très excellent. Il y a d'ailleurs eu depuis qu'un second album qui est un petit chef-d'œuvre en soi car il a fait une moisson prise sur le vif tout à fait fantastique au Sainte-Marie-de-la-Mer auprès de tous les gitans. En comparant les différentes races, vous allez trouver là de la guitare espagnole, du flamenco authentique, vous allez trouver là des tziganes qui sont venus de Hongrie, et vous allez juger justement de toutes ces races qui sont réunies au Sainte-Marie-de-la-Mer avec un excellent reportage photographique qui allie le son pris sur le vif et la photographie. Il faut là aussi que nous en entendions quelques extraits. I'm C'était un premier exemple, la complainte du peuple rome enregistrée chez la famille Déméter. Voici un autre exemple, enregistré celui-ci chez la famille Baliardo. Ces deux reportages photographiques et sonores de Pic, pris sur le vif, nous ramènent justement à l'enregistrement d'amateurs qui permet à tout moment, en tout lieu, grâce au magnétophone autonome, de réaliser des documents et, en somme, de mettre le micro dans la vie, dans la rue, partout. Vous aviez tout à l'heure eu une expression, avant cet enregistrement, une expression qui m'avait beaucoup frappé. C'était l'expression « micro-vérité ». Oui, Guy Rispan, vous n'ignorez pas qu'il existe à l'heure actuelle, dans la nouvelle vague cinématographique, la caméra-vérité, c'est-à-dire la caméra qui se penche sur tous les problèmes de la vie tels qu'ils sont et qui nous offre quelquefois des images très laides. La caméra-vérité est une chose, mais je voudrais que le micro-vérité existe et qu'il fasse date dans l'histoire de l'enregistrement, non seulement d'amateurs, mais de professionnels. À l'époque de Louis XIV, à l'époque de Louis XV et de Louis XVI, on écrivait beaucoup. Et ce sont ces écrits qui ont permis de reconstituer la vie de ces époques. Et nous savons très précisément quels étaient les menus, par exemple. Ça a l'air d'une chose très ordinaire et très trivial, nous savions comment vivaient les gens, comment ils se recevaient, comment ils se voyaient, comment ils parlaient. Notre époque est fugitive. On écrit moins. On écrit des romans qui, en général, sont complètement détachés des contingences de notre existence. Le témoignage roman existe, mais beaucoup moins développé qu'au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. L'époque du romantisme a permis aussi de conserver des témoignages extrêmement précis sur le XIXe. Le XXe siècle sera marqué par une indigence totale, en dehors de la politique, de la vie des individus, de cette vie qui est en évolution constante, de cette sociologie qui est constamment en mouvement, et que le témoignage écrit a du mal à suivre. Et vous pensez que c'est l'enregistrement du son qui doit combler cette lacune ? Assurément. L'enregistrement de n'importe quel témoignage, de n'importe quel bruit, car notre époque est faite aussi de bruit, nous les combattons, ils existent. Ces bruits sont un témoignage de notre temps. Et je veux parler de n'importe quoi, de tout ce qui existe de sonore. Du témoignage pris sur le vif dans la rue d'une ménagère qui a du mal à faire son marché pour une raison quelconque. Cela semble ridicule, quelquefois lorsque nous le voyons pris sur le vif, à l'instant même où nous vivons. Mais déplacez ce témoignage de 50 ou 100 ans, et vous verrez que ce témoignage ridicule devient une page d'histoire. Absolument. Même phénomène en ce qui concerne les bruits bruts. Et je veux parler, par exemple, de bruits qui disparaissent pour être remplacés par d'autres, des bruits industriels, ou des bruits tels que ceux des trains. Et les Anglais l'ont parfaitement compris, puisque nous venons de recevoir en France un enregistrement passionnant pour ceux qui aiment les chemins de fer, il y en a beaucoup, je le sais, un enregistrement qui fait une sorte d'anthologie de toutes les machines à vapeur existant en Angleterre. Et de tous les trains, car vous savez qu'un train avec des wagons à deux bogies n'a pas, absolument pas, le même bruit que des trains, des grands sleeping cars, avec six bogies, par exemple. Le bruit sur les rails ne sont pas les mêmes. Mais les locomotives ont toutes un bruit particulier, un bruit qui, pour le poète du chemin de fer, devient d'une éloquence absolument fantastique, surtout lorsque ces bruits sont pris d'une manière étonnante, comme sur cet enregistrement qui vient de paraître chez Erato. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que cet enregistrement a une valeur poétique évidente, mais aussi une valeur de document. Nous allons, si vous voulez bien, à titre d'exemple, écouter une séquence entière de ce disque. Et pour en situer l'authenticité, je vais vous lire la présentation qui est faite pour cette séquence. La voici. Il est 20h22 par un dimanche soir glacial. La 7017 G.J. Churchward, une castle de la série 23000 à simple cheminée, vient de s'arrêter doucement dans la gare, remorquant l'express Birkenhead-Paddington. Le chauffeur nettoie le tablier de la locomotive qui attend, s'occupe du feu et des injecteurs en vue de préparer la dernière partie du trajet qui, de cette gare, va le conduire à Londres. Par une rampe ayant un pourcentage au départ de 6 millièmes, suivi d'une autre rampe de 2000, c'est-à-dire 3 218 km, au pourcentage de 5 millièmes, jusqu'à Saunderton, sommet de la côte traversant les monts Chiltern. Vous voyez à quel point tout cela est décrit avec précision et avec authenticité. Mais je poursuis. À l'extrémité du quai, le chef de gare donne le traditionnel « en route », auquel répond, au lieu du sifflet de la machine, le mécanicien qui en nettoie le tablier. Un temps d'arrêt, le sifflement de la vapeur vive et la 7017 s'ébranle d'une allure très assurée avec son train lourdement chargé qu'elle tire de toutes ses forces en franchissant le poste de la cabine sud et s'engage sous le pont routier en direction de Saunderton. Un long coup de sifflet avertisseur retentit au-delà du pont. C'est le train express Paddington Wolverhampton, qui, sur une voie paire, remorquée par une King de la série 230 000, pénètre sous le pont et franchit la gare. Tandis que le bruit de l'express diminue peu à peu, le fracas du bras d'un sémaphore, qui vient subitement reprendre sa position de fermeture, rompt à nouveau le silence. Voici donc cette séquence intégralement, et je vous rappelle que c'est un dimanche soir glacial, il est 20h22. Eh bien, voici le poème ferroviaire est terminé. L'express Paddington-Wolverhampton est passé. il gagne Londres et le sémaphore, en reprenant subitement sa position initiale, vient mettre un point final à ce poème. Voilà donc quelques exemples de machines à vapeur qui, vous le savez, vont disparaître. Eh bien, là, c'est un témoignage de notre temps, parce que nous n'avons pas le bruit des carrosses de Louis XV ou de Louis XVI, mais nous pouvons d'ailleurs facilement, puisqu'ils existent encore, les restituer avec notre micro. Mais il est très certain que la machine à vapeur, le train, la locomotive, qui est appelé à disparaître pour être remplacé par l'électricité, et marque une date dans l'histoire de notre temps. Même chose pour les voitures. Il est très certain, et ça c'est une chose que j'ai proposée à la FCS comme grande compétition, vous savez qu'il existe dans plusieurs villes de France, à l'instar de Turin où il y a un très grand musée, des musées de vieilles voitures. Mais il est très curieux de comparer le bruit rageur d'une Bugatti avec le silence aquatique, nous pourrions dire, d'une Rolls-Royce. Et tout cela marque une époque, marque un temps. Et pour le passionné de substances sonores, c'est très éloigné de la musique, bien entendu. Mais c'est assez étonnant. Vous dites que c'est très éloigné de la musique, bien entendu, mais c'est très près de la vie. Et je crois que le rôle du micro, c'est non seulement d'aller dans la rue, dans un train, dans une usine, mais c'est aussi d'aller au cœur des hommes. Et je crois que le micro peut être un témoin permanent de l'évolution, de la pensée, des réflexes et de l'histoire de l'homme et de son caractère. Et oui, et je vais vous en donner un exemple. On parle beaucoup de la vie des ouvriers à l'heure actuelle, dans les différentes catégories des travaux qu'ils réalisent. On sait mal les conditions sonores dans lesquelles ils réalisent ces travaux. J'ai eu l'occasion, tout dernièrement, de réaliser un montage sur des aciéries. J'y ai mis une musique assez puissante, assez sonore. Ce montage est pris directement dans les aciéries. Les photos sont très très belles. Elles se groupent les unes derrière les autres. Elles font des sortes d'éclatements. Et j'ai utilisé pour cela une musique qui me semblait rythmiquement adaptée à ces images et qui me semblait très puissante. Et puis j'ai eu l'occasion de me rendre dans ces aciéries, car c'est pas moi qui avais fait les photos de ce montage. Et j'étais absolument ahuri du bruit et de l'explosion constante auxquelles étaient soumises les oreilles des ouvriers qui travaillaient dans ces usines et qui finissent par s'y habituer. Mais voilà une des conditions sociales d'existence qui sont parfaitement inconnues de ceux qui ne les pratiquent pas. Et cela m'a paru tellement curieux qu'un jour, lors de la projection de ce montage, un des spectateurs se lève en disant « La musique est trop forte !» Alors que, il faut bien le dire, elle était 100 fois moins forte que les bruits qu'encaissent toute la journée ces ouvriers dans les forges et dans les aciéries. C'est donc un élément essentiel dans sa puissance de connaître les bruits dans lesquels travaillent certaines personnes, de connaître même le bruit de notre ville, de connaître l'incidence sur les éléments de notre vie, non seulement de ces bruits, mais des éléments eux-mêmes de cette existence. Et je crois que, à l'heure actuelle, la radio, d'ailleurs, a parfaitement compris le sens de ce témoignage vivant qu'est le micro-vérité. On développe énormément les interviews prises sur le vif et qui sont un des éléments de l'histoire de notre temps. Et pour cela, je crois que nous pourrions demander justement à une émission qui maintenant s'est développée énormément et qui prend des témoignages de jeunes, l'émission des Arts d'Hugo, nous donner quelques exemples des témoignages pris sur le vif qui ont été réalisés ces derniers temps et qui marquent l'histoire de notre temps, au jour le jour, à l'heure précise où tout cela se produit. Je n'ai pas de famille du tout, mais enfin, il est une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas de famille, on veut toujours savoir de qui on sort. Et ça, c'est le plus grave problème qui puisse exister dans des cas pareils. J'ai 19 ans. J'ai été élevé par une famille adoptive, quoi, qui m'a pris depuis tout jeune, lorsque j'avais 2 mois. Oui. Et cette famille t'a averti que tu n'étais pas le fils de la maison ? Oui, bien sûr, cette famille m'a averti. Dès l'âge où j'ai eu la raison de comprendre, ma famille m'a dit, ben écoute, maintenant on va t'apprendre une chose, tu n'es pas notre enfant. Est-ce que ça t'a fait quelque chose ? Ne me demandez pas, ça fait un gros choc, vous savez. Tu as regardé celui que tu appelais ton papa et celle que tu appelais ta maman ? Oui, je les ai regardés, bien sûr, et puis, bien entendu, ça sert au cœur. Un truc à quel ça. Âge tu as été averti ? Oh, j'avais 14 ans, quoi, à l'âge de raison. D'abord, je l'avais appris bizarrement, par une drôle d'histoire, quoi. Enfin, c'est passé un jour quand j'étais à l'école. Ça a commencé comme ça. On avait des cotisations à payer, et puis ces cotisations, nous, on ne les réglait pas, alors que tout le monde les payait. Et puis, chaque fois qu'il y avait ces cotisations à régler, donc nos parents, qui étaient nos parents adoptifs, ni plus ni moins, nous donnaient des morceaux de papier qu'elles mettaient dans des enveloppes et que nous, on remettait directement à l'instituteur. Mais nous, on ne payait pas, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait sur ce morceau de papier. Alors, il y avait tout simplement sur ce morceau de papier, c'était facile à deviner, il y avait enfant de l'assistance publique. Alors, le jour où tu as appris que tu étais de l'assistance publique, est-ce que d'un coup, tu t'es demandé, voyons, il faut maintenant que je sache qui est mon père, qui est ma mère ? Non, cela m'est venu plus tard parce que j'ai vu bien des cas, bien entendu, j'ai passé par bien des choses. Et puis j'ai eu 2-3 copains de l'assistance publique, quoi, des gars que je connaissais, qui ont été comme moi. Et puis avant 21 ans, avant l'âge d'être majeur, bien sûr, ils ont recherché leur famille eux-mêmes. Alors ils ont employé différents procédés, puis moi, ça, j'avais quel âge quand j'ai voulu rechercher ma famille ? J'avais peut-être 17 ans. J'ai connu un cas particulièrement, c'est un de mes très bons camarades. Il a recherché sa famille. Une fois qu'il a possédé son nom, il s'est présenté dans la maison familiale en tant que représentant de fer à repasser. Et comment a-t-il été accueilli ? Bien, en tant que représentant, il a été très bien accueilli, si on peut dire, puisque on a dû y acheter un fer à repasser, enfin deux trois bricoles de la maison, quoi. Oui. Quelle a été la réaction ses parents ? Car il leur a dit. Enfin, c'est venu bizarrement, c'est que, comme moi, je ne sais pas si le cas est le même, mais enfin, tout jeune, il possédait une de ses photos quand il était tout jeune. Et puis, ses parents en avaient une, eux aussi. Et puis, cette photo se trouvait sur la cheminée. Alors, quand il est rentré, c'est cette photo qui l'a choqué. Alors, il a fait son petit baratin de représentant. Puis, c'est à la fin qu'il a dit à la dame, donc sa mère, il a dit « Madame, je suis votre fils ». La maman était très étonnée, elle y a sauté au cou, enfin elle a pleuré, elle y a dit enfin, je t'ai retrouvé, moi qui te cherchais depuis longtemps. Bien sûr, comme tout le temps, il y a des abandons, on n'est pas toujours la cause, hein. Des fois c'est involontaire. On abandonne un enfant parce que des fois, comme dans des cas où il y a eu des histoires où, entre le père et la mère, mais là c'était involontaire, c'était un gars de la guerre, quoi. C'était pendant la guerre, c'était pendant la débâcle, et sa mère elle n'avait pas pu le prendre, quoi. Elle était trop tard. Tant pis, c'était trop tard, c'était la guerre. Voici maintenant un document beaucoup plus souriant. Gérard, 17 ans et demi. Monique, 16 ans. Nous étions les seuls enfants de la famille depuis 17 ans. Et maintenant, il y a 8 jours que nous avons un tout petit frère. Quel est l'âge de votre père ? 47 ans. Vous n'avez rien remarqué de spécial ? C'est-à-dire que maman, tous les dimanches, elle était pas très bien, quoi. Mais nous, on n'avait pas du tout fait le rapprochement, parce que jamais on aurait pensé à ça. C'était tout à fait hors de notre pensée. Pour nous, la famille était complète. Vous voyez que c'était fermé. Maintenant, on faisait un tout. On était 5 avec la grand-mère. Et ça ne pouvait pas être plus. Monique, peux-tu nous dire comment papa nous a annoncé la nouvelle ? Un dimanche, au mois de mars, c'était le jour de mon anniversaire. Je venais d'avoir 16 ans. J'étais dans ma chambre à me préparer pour aller au cinéma avec un copain. Papa est entré, il avait l'air plutôt gêné, il ne savait pas trop comment se tenir, il riait à moitié, ou il était assez... Enfin, on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a dit, tu sais, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Ma première réaction, ça a été de lui rire au nez. Je me disais, c'est une plaisanterie, je n'y croyais pas du tout. Super, on ne s'y attendait pas depuis si longtemps, ça ne nous était jamais venu à l'esprit qu'on pourrait avoir un jour un petit frère ou une petite sœur. Puis, voyant sa tête quand même, je me suis dit, il n'y a pas de doute, ça doit être vrai. Alors, il était surtout embêté parce que maman avait peur qu'on le prenne mal. Et il paraît qu'elle était en train de pleurer dans une pièce à côté parce qu'il était en train de nous le dire. Moi, j'étais tout de suite vers maman pour lui dire que ça n'avait pas d'importance. Enfin, même si ça en avait beaucoup, mais on était contents. Ça allait mettre de la distraction dans la maison. Sur le coup, moi, je n'ai pas du tout pensé aux inconvénients. J'ai surtout pensé au plaisir d'avoir un petit bébé à pouponner, enfin, pour mettre de la joie dans la maison. Alors que mes parents avaient surtout pensé que nous, ça nous embêterait parce qu'on serait plus les seuls et puis qu'on serait peut-être jaloux du petit frère, enfin je ne sais pas. Moi j'ai aussi pensé aux inconvénients, mais c'était pas surtout pour moi parce que de toute façon l'année prochaine, comme on s'en ira à l'université ou comme ça, on sera plus chez nous. Mais c'est surtout pour mes parents parce qu'ils sont déjà assez âgés pour avoir un enfant tout petit et pour l'élever. Mais enfin, je me suis dit que comme on était déjà, Monique et moi, assez âgés, on pourrait toujours s'en occuper plus tard si des fois il en avait besoin. Avoir un petit frère ou une petite sœur, ça tournait dans ma tête, mais je me représentais pas du tout un petit bébé. J'arrivais pas à voir que j'aurais... Puis d'ailleurs maintenant, c'est pareil, quand je le vois, j'ai du mal à me dire que c'est mon petit frère, parce que vraiment, il est tout petit, ça serait presque notre enfant plutôt. Mais enfin, quand même, quand je l'ai vu pour la première fois, quand j'étais à la maternité, je sais pas, j'ai eu une crise de larmes, c'est bête, mais j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. En le voyant, je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet de voir maman comme ça, puis avec un petit gosse à côté qui criait un petit peu, qui suçait son pouce, enfin, et qui me ressemblait un peu sur les photos, parce que j'avais regardé avant des photos de quand j'étais tout petit, et il me ressemblait beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir des enfants aussi tard? Oh ben c'est un peu vieux, parce que quand il aura 20 ans, ma part en aura 67, c'est quand même vieux. Oui, mais enfin, heureusement, comme on est là, comme on a déjà 17 ans, ou 18 ans, quand il en aura 20, on aura quand même 37 ans et on pourra s'en occuper. Oui, fois. Mais c'est pas tellement question matérielle, justement. C'est parce que quand il aura entre 5 et 10 ans, un petit garçon, c'est turbulent, enfin, ça, il va les énerver. Et puis quand on est jeune, on supporte plus facilement. Alors que là, il aura 50 et quelques, et puis maman, elle aura 40 et quelques. Alors, ils pourront plus le supporter comme ils le supportaient nous quand on était petits. Eh bien, Jean-Marie Grenier, il me reste à vous remercier de vous être livré si gentiment à toutes ces questions, dont certaines étaient indiscrètes, car vous avez vraiment dévoilé le fond de votre passion pour l'enregistrement, et je vous en remercie. Il nous reste encore quelques minutes pour atteindre la fin de cette émission, et je vais vous demander de choisir un enregistrement commercial que vous avez particulièrement remarqué, ou qui aurait pour vous, du point de vue de l'esthétique de l'enregistrement, une certaine signification. Alors là, je ne vais pas hésiter. L'enregistrement d'opéra est pour moi l'enregistrement maximum parce qu'il réunit à peu près tout ce que l'on peut désirer, surtout en stéréophonie, le mouvement, l'action, le drame et la perfection sonore aussi dans certains cas. Et justement, ce que je vais vous présenter n'est pas parfait sur le plan sonore. Pour la simple raison, c'est justement un enregistrement pris sur le vif. Vous savez que le théâtre de Bayreuth y a été construit sur les plans même de Wagner, a une très grande particularité, la fosse d'orchestre est à moitié recouverte afin de ne pas couvrir les voix, car à l'époque de Wagner, il est probable que les voix étaient d'une puissance moindre que celle très travaillée que nous avons à l'heure actuelle, donc problème posé par les chanteurs, et aussi fait que Wagner émette une sorte de magma sonore qui enrobe considérablement son œuvre. Donc, condition très particulière que l'on ne retrouve dans aucun enregistrement des opéras de Wagner. Je ne veux pas dire pour cela que des enregistrements faits d'une manière traditionnelle ne soient pas bons, c'est pas cela du tout. Non, mais on peut préférer réellement l'enregistrement d'une représentation publique. Ah, c'est cela où je voulais en venir. Car il y a une dimension supplémentaire. Oui, s'il y a des bruits parasites, s'il y a des petits détails qui manquent et qui peuvent, dans un studio, atteindre la perfection, évidemment, la représentation prise sur le vif n'est pas aussi parfaite. Seulement, la plupart des chanteurs, la plupart des interprètes ont besoin de la chaleur du public pour pouvoir donner le maximum de leur talent. Il n'y a pas que cela. Le fait que l'on sache, et nous le savons mieux que quiconque, que l'on peut, grâce à une bande magnétique, revenir en arrière et tout refaire, fait qu'au fond, on ne donne jamais le maximum de soi. Tandis que dans une représentation, on ne peut plus tricher. Et puis il y a là un personnage essentiel dans la musique et que le disque a complètement oublié, c'est le public. Le public, cette chaleur humaine, ce contact qui fait que l'artiste n'est joue à ce moment-là, tandis que devant un micro très impersonnel, eh bien, il n'a pas du tout la même ambiance, ni le même tonus. Et la musique redevient effectivement le jeu collectif. Je vais vous proposer, si vous le voulez, pour terminer, un extrait d'un enregistrement récent réalisé au théâtre de Bayreuth, et c'est le Tannhäuser de Wagner, qui est dirigé ici par Wolfgang Sawallisch, qui n'est pas parfait en soi du tout sur le plan sonore, mais qui véritablement est une très bonne représentation prise dans des conditions difficiles et qui nous redonne toute l'ambiance de cette espèce de temple wagnérien qu'est Bayreuth, que nous n'avons dans aucun des autres enregistrements de ces opéras. Nous allons entendre les dernières scènes de Tannhäuser de Richard Wagner dans cet enregistrement du Festival de Bayreuth dont nous parle Jean-Marie Grenier. Il s'agit du Festival 1962 et d'une représentation qui se déroulait sous la direction de Wolfgang Sawallisch et avec une distribution éclatante, dans laquelle on trouve des noms aussi prestigieux que Wolfgang Wingassen, Anja Silja, Grace Bunbury, Eberhard Wächter et Joseph Grindel. Un mot pour situer ces scènes, nous sommes au pied du Venusberg, c'est l'automne, Tannhäuser rentre de Rome exténué, il paraît au pied du Venusberg, et là il subit de nouveau l'enchantement de Vénus. Mais au seul nom d'Élisabeth, il tombe foudroyé. Fort heureusement, au lointain, une troupe de pèlerins s'avance et apprend la miséricorde et le pardon. donc un. Findrons im Herzen, wie kein Büßer nach sich gefühlt, sucht ich den Weg nach Rom. Ein Engel am Dach der Sünde stolz, dem Übermütigen entwunden. Für ihn wollt ich in Demut büßen, das Heile flieht, das mir verneint, um ihn Gott verkündigt vor das Haupt gebeugt zur Erde, klagt ich mich an, will ich einmal gewähren, verbüßen Lust, die meine Sinn empfanden, des Sinnes, was gemüßen nach mir kriegt, und meine Jesu aus in heißen Banden, rief ich ihn an, von wildem Schmerz durchfühlt. Und ihr, den so ich bat, hob an. Thank you. C'était la fin de Tannhäuser de Richard Wagner dans l'enregistrement de Bayreuth 1962 sous la direction de Wolfgang Sawallisch avec une distribution qui comprend les noms de Wolfgang Wingassen, Anja Silja, Grace Bumbry, Eberhard Wächter et Joseph Grindel. Notre émission d'aujourd'hui est donc terminée. Nous l'avons passée en compagnie de Jean-Marie Grenier, président de l'Association française des chasseurs de sons. C'était Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erismann sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Cette émission a été diffusée la première fois le 14 août 1964 sur France Culture. À suivre, vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.